طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Ok, on commence donc le cours numéro 120 aujourd'hui dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et dans le dernier cours, on expliquait les versets dans Surat al-Takwir à la fin du verset. Et on va continuer donc la suite. Donc le Cheikh, il explique les caractéristiques des awliya d'Allah. Et il dit donc وَخِيَارُ أَوْلِيَا إِلَّا كَرَامَاتُهُمْ لِحُجَّةٍ أَوْ لِحُجَّةٍ في الدين أو لحاجة بالمسلمين كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc ici le Cheikh est en train d'expliquer la réalité de ce que font les awliya d'Allah, les serviteurs rapprochés, les serviteurs pieux d'Allah, et ce qu'ils font comme karama. Karama, c'est-à-dire comme prodige, hein, comme étant des choses qui sont hors de l'ordinaire, hein, qui sont surnaturelles ou qui sont hors de l'ordinaire, des choses qui ne peuvent pas être expliquées scientifiquement. Comme miracle, hein, c'est semblable à des miracles. Sauf que les miracles, c'est ce qu'on appelle en arabe les mu'jizat. Ça, c'est ce que font les messagers et les prophètes. Tandis que les gens qui ont suivi ces prophètes, hein, et qui font des prodiges ou des choses surnaturelles, on les appelle des karamat. D'accord? Sauf qu'il y a des conditions pour qu'on puisse déterminer que ce qu'ils font, ces gens-là, sont des karamat. Et il faut, par exemple, que les personnes en question soient sur le suivi de la sunna et qu'ils s'accrochent au tawhid. Hein, parce qu'il y a des gens qui, parfois, ont recours à du sihr, à de la sorcellerie et à toutes sortes de formes de charlatanisme pour essayer de faire croire aux gens qu'ils sont des awliya d'Allah ou qu'ils sont des serviteurs rapprochés d'Allah et des gens pieux, alors qu'en réalité, non. Ce n'est pas le cas. Mais c'est une apparence qu'ils se donnent et ils font, hein, des actes diaboliques en réalité que les gens ignorants confondent à des miracles ou confondent à des prodiges. Et par conséquent, ils les élèvent à des degrés de saints, hein, ou de awliya ou d'hommes pieux, hein, ou des marabouts comme ils les appellent parfois dans certains pays, alors qu'en réalité... Hein, ces gens-là sont des diables, sont des alliés du diable. Et le Cheikh, il explique donc ici, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'un de ses serviteurs pieux fasse des prodiges ou des karamates, eh bien, c'est pour deux raisons. Soit que c'est parce qu'il veut établir la preuve pour la religion, hein, il veut montrer que l'islam, c'est la religion de la vérité par l'intermédiaire de cet exemple-là et de ce prodige-là qu'il va faire paraître à la main de cet homme pieux-là, ou bien pour un besoin qui existe chez les musulmans, dans le sens que lorsqu'il voit que les musulmans, par exemple, ont un besoin de raffermer leur foi, donc il fait apparaître ce genre de prodige de la part de certains hommes pieux pour les raffermer dans leur croyance. Et c'est comme ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait comme miracle, par exemple, pour affermir la foi des croyants. Et il dit ensuite que les karamates, hein, les prodiges que font les hommes pieux et les serviteurs rapprochés d'Allah, ils les font uniquement par rapport à, ou bien ça découle uniquement de la bénédiction du fait d'avoir suivi le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est un résultat d'avoir suivi le messager. Et c'est une bénédiction qui découle de ce suivi-là. Donc, en réalité, ces prodiges rentrent dans les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. D'accord? Et Cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires par rapport à cette parole de Ibn Taymiyyah. Donc, les deux points qu'on vient d'expliquer, Cheikh Al-Fawzan, il les explique. Il dit « Laysa bilazim anna al-wali yakunu lahu karama. ولكن الله عز وجل قد يجريها عند الحاجة إليها إما للاحتجاج على المخالفين أو للحاجة في الناس وهذا يأتي بيانه وليست لأجل الفتنة كالخوارق التي عند السحرة والكهان وعملاء الجن والشياطين هذه ليست لحجة في الدين ولا لحاجة للمسلمين وإنما هي شر وفتنة. Donc le cheikh il explique que le wali, le serviteur rapproché d'Allah, ce n'est pas obligatoire qu'il fasse des prodiges ou des karamates. Contrairement à ce que prétendent les soufis par exemple, certains d'entre eux ils disent que tu peux pas être un wali sauf si tu fais des miracles ou des karamates. Et c'est pour cette raison-là qu'ils cherchent à tout prix à établir leur wilaya ou leur sainteté par le fait de pouvoir produire des miracles à volonté. Et c'est ce qui les pousse parfois justement à tomber dans la sorcellerie. Parce qu'ils sont tellement acharnés et tellement poussés à vouloir prouver à tout le monde qu'ils sont des awliya. Et ils ont établi comme condition que le wali, pour qu'il soit un vrai wali, il faut qu'ils puissent faire des miracles à volonté. Hein? Alors que même les prophètes d'Allah, qu'Allah a envoyés, hein? Les messagers d'Allah, eux-mêmes, lorsqu'on leur demandait des miracles, ils répondaient en disant, je ne peux pas le faire à volonté. Ce n'est pas moi qui décide, c'est Allah qui me donne le miracle. Tandis que eux, les soufis, ils disent, non, si tu es un wali, si tu es un wali, tu dois pouvoir faire des miracles quand tu veux, n'importe quand, hein? À volonté. Donc ça, c'est un exemple de leur égarement. Mais le cheikh, il explique ici qu'un wali peut être un wali sans jamais avoir fait aucune karama. D'accord? Donc ce n'est pas une condition pour être un wali. Et il dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala peut faire en sorte que s'il y a un besoin, que justement le wali soit capable ou puisse faire une karama, hein, ou un prodige de ce genre. Soit pour établir la preuve contre les opposants de la foi, ou soit parce qu'il y a un besoin chez les musulmans, hein, chez les gens, d'établir la preuve et de clarifier la vérité de l'islam. Et ça, il dit, on va l'expliquer plus tard. Il dit donc il ne faut pas confondre le miracle ou le prodige que fait un serviteur rapproché d'Allah, qui est pieux et qui s'accroche à la sunna, de ce que font les agents des diables, hein, parmi les sorciers et les voyants, hein, et les diseurs de bonne aventure qui, eux, font de la fitna en faisant des actes diaboliques et des actes de sorcellerie. Eux, ils travaillent avec les djinns et les diables, hein, justement pour accomplir ces choses-là. Et donc, le cheikh, il dit que ça, ce n'est ni pour un besoin dans la religion, ni pour un besoin chez les musulmans, mais c'est uniquement du mal et c'est une tentation. Et ensuite, le cheikh, il dit que, il dit, « فَالْخَارِقُ لِلْعَادَةِ إِنْ جَرَى عَلَى يَدِ نَبِيٍ فَهُوَ مُعْجِزَةٍ وَإِنْ جَرَى عَلَى يَدِ وَلِيٍ فَهُوَ كَرَامَةٍ وَهُوَ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ مُعْجِزَةٌ لِلْرَسُولِ صلى الله عليه وسلم لأن الولي ما حاز على ذلك ولا حصل عليه إلا باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم فكرامات الأولياء معجزات للأنبياء. Donc le cheikh il explique que tout acte qui est surnaturel et qui se produit à la main des prophètes ou des messagers, ça c'est ce qu'on appelle en arabe mu'jiza, c'est-à-dire les miracles. Toutefois, si cet acte surnaturel se produit de la part d'un serviteur rapproché parmi les pieux, parmi les gens de la sunna, alors on l'appelle karama, c'est un prodige. Hein? Et en même temps, c'est un miracle qu'on attribue aussi au messager, puisque le wali a pu uniquement faire ce genre de prodige parce qu'il a suivi le messager. Donc, ces karamat des awliya sont en réalité le fruit des miracles des prophètes. Ils font partie des miracles des prophètes. Ensuite, le cheikh, il va donner quelques exemples des mu'jizat, hein, des prophètes, des miracles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il en a cité deux. Le premier, inshiqaq al-qamar, hein, mithl inshiqaq al-qamar, wa tasbih al-hasa fi kaffihi. Tasbih al-hasa fi kaffihi. Qu'est-ce que ça veut dire? Inshiqaq al-qamar, ça veut dire lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a permis au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de fendre la lune. Hein? Donc il a fendu la lune devant les yeux des mouchriquins et des kuffars. Et l'autre exemple que Ibn Taymiyyah a mentionné, c'est les cailloux qui étaient dans sa main et qui glorifiaient Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui faisaient le tasbih. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait le commentaire à ce sujet, il dit: ومن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر. Il y a même une sourate dans le Coran qui s'appelle Al-Qamar, qui fait référence justement à ce miracle-là. Et le cheikh, il dit: فلما اقترح عليه المشركون ان يشق القمر فالله عز وجل شق القمر فجعله فلقتين, فلقة على ابي قيس وفلقة على قيقعان قيقعان نعم فصار الناس ينظرون إليه قال عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر لما انشق القمر قالوا سحرنا محمد هذا سحر وليس معجزة له و سبح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم حتى سمع الناس تسبيحه هذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que les mushrikin à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم ils ont dit au messager, hein, est-ce que tu es capable, donc, est-ce que, yani, si tu es un vrai prophète ou si tu es un vrai messager, pourquoi tu ne fends pas la lune? Hein? Pourquoi tu ne fends pas la lune en deux? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la lune se fende en deux. Hein? Et, yani, les mushrikoun ont commencé à regarder donc la lune et ils ont vu qu'elle était séparée. Elle s'est séparée en deux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset dans Surat Al-Qamar: l'heure approche et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent une magie persistante. Donc, quand ils ont vu la lune se fendre en deux, ils ont dit: ah, Muhammad nous a ensorcelés. Hein, c'est de la sorcellerie, c'est pas un miracle. Hein? Ils ont nié la réalité. Et en ce qui concerne les cailloux qui étaient dans la main du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, hein, ils ont glorifié Allah et même que les gens les entendaient glorifier Allah. Donc ça fait partie des miracles et il y en a beaucoup d'autres exemples. Et il va en mentionner quelques-uns. Il dit « Etienne shajari ilayhi » وحنين الجذع إليه وإخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدس. Donc là, il mentionne d'autres exemples parmi les miracles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le fait que un arbre est venu à lui. Et il dit كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب لحاجته يستتر فلما ذهب لقضاء حاجته لم يجد شجرة يستتر بها إلا شجرا متفرقا فدعاه صلى الله عليه وسلم فاجتمع له واستتر به صلى الله عليه وسلم بأمر الله فهذه معجزة رآها الناس من حديث جابر رضي الله عنه الذي ذهب معه يحمل معه الماء رأى هذا. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti pour faire ses besoins, hein, et lorsqu'il allait faire ses besoins, il se cachait derrière quelque chose. Et lorsqu'il est parti donc pour faire ses besoins, et qu'il n'a rien trouvé pour se cacher derrière. Il a vu qu'il y avait un arbre, il y avait des arbres, mais les arbres étaient séparés. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a appelés pour qu'ils se rassemblent. Les arbres se collent ensemble pour justement qu'ils puissent se cacher derrière. Et l'arbre est venu et s'est rapproché et s'est collé avec l'autre pour que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se cache derrière pour faire ses besoins. Et donc ça, il dit ça, c'est un des exemples parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens ont vu cela se produire. Et c'est rapporté dans un hadith selon Jabir, radiyallahu anhu, qui était parti justement pour amener de l'eau avec lui pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse se nettoyer avec et se purifier avec. Donc, il a vu les arbres bouger pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un exemple parmi les exemples des miracles. Un autre exemple aussi, il dit « Haninul jid'i ul jid'i ilayhi ». C'est-à-dire que un autre parmi les miracles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le tronc de l'arbre sur lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se tenait pour faire la khutbah au début de l'islam. Lorsqu'il faisait la khutbah, il se tenait sur le tronc d'un arbre qui avait été coupé. Et un des compagnons lui avait construit un mimbar. Et à ce moment-là, il est monté sur le mimbar et il a délaissé le tronc d'arbre. Alors, on a entendu le tronc d'arbre pleurer, se plaindre du fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait laissé pour le mimbar. Et ça fait partie des exemples, des miracles. De même que lors du voyage de l'Isra ou al-Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le voyage nocturne. Pendant une nuit, il est parti de Mecca jusqu'à Beit al-Maqdis en Palestine. Et de la mosquée en Jérusalem, et il est monté jusqu'au septième cieux. Et tout ça en une nuit. Il est retourné la même nuit à Mecca. Donc quand il est revenu, il a dit aux gens, pendant cette nuit, j'étais allé à Mecca. Et j'ai monté au septième cieux, puis je suis revenu. Alors les Arabes, les mouchriquins, ils ont dit, ah regardez, il est devenu fou, il prétend qu'il est allé à Mecca en une nuit, de Mecca jusqu'à Jérusalem en une nuit. Et donc, après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ok, décris-nous. Décris-nous la Beit al-Maqdis, la mosquée de Jérusalem, comment elle est. Alors, il l'a décrit, telle qu'elle, comme s'il était là-bas. Et il leur a dit, même en plus de ça, la caravane qui était en chemin, il l'a décrite et il a mentionné qu'elle était à telle distance et qu'elle arrivait. Et tout ce qu'il a dit était tel qu'il l'a mentionné. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire là-dessus aussi. Il dit « Haninu jad'i an-nakhla ilayhi » li'annahu sallallahu alayhi wa sallam fi awwal al-amr kana yakhtubu ala jad'i nakhla يتكئ عليه حال الخطبة ثم صنع له منبر فصار يخطب على المنبر فحن الجذع إليه بكى كما يبكي الغلام والطفل الصغير لأنه قد فقد الذكر الذي كان يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم فسمع الناس حنين الجذع فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que il y avait ce tronc d'arbre qui avait été coupé sur lequel le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم se tenait pour faire la khutba au début. Puis lorsque on lui a fabriqué un mimbar et qu'il se tenait plus sur le tronc d'arbre, on a entendu le tronc d'arbre pleurer comme pleure un bébé ou un enfant. Alors, il se plaignait du fait qu'il n'entendait plus hein, le rappel du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les gens ont entendu le tronc d'arbre pleurer. Et ça fait partie des miracles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, par rapport à le voyage hein, de la nuit, le voyage de nuit hein, et l'ascension, Cheikh Al-Fawzan, il dit, « وَمِنْ مُعْجِزَاتِهِ sallallahu alayhi wa sallam, الْإِسْرَاءُ وَالْمِعْرَاجِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ الإسراء إلى بيت المقدس وبينه وبين المسجد الحرام مسافات وعروجه إلى السماء ثم نزوله إلى بيت المقدس ورجوعه إلى مكة في ليلة واحدة فأصبح وحدث الناس بذلك فحصلت فتنة عظيمة وفرح المشركون بالتنفير من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه كذاب كيف يذهب في ليلة واحدة ويأتي إلى بيت المقدس ونحن نضرب أكباد الإبل كذا وكذا من المدة والمسافة فكأنهم بذلك أظهروا كذب النبي صلى الله عليه وسلم وأثروا على ضعاف الإيمان أبو بكر رضي الله عنه لما قالوا له أما علمت ما قال صاحبك ما قال صاحبك قال لا قالوا إنه يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وعاد في ليلة واحدة فقال رضي الله عنه إن كان قال هذا فقد صدق صلى الله عليه وسلم لأنه لا يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا يصدقه في الوحي فكيف لا يصدقه بهذه الحادثة الغريبة؟ يعني هذه قوة الإيمان واطمئنان الإيمان في القلب الذي لا يتزحزح عند الفتن. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم بيت المقدس لأنهم يعرفون علاماته وهو قائم يحدثهم عن ذلك فرفع الله بيت المقدس وجعله أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وهو في مكة ويصفه لهم فعند ذلك حيرهم وبهتهم وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que la nuit de l'ascension et du voyage nocturne, l'Isra, c'est le voyage nocturne qui a eu lieu à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Mecca. Il a voyagé pendant une nuit de la Mecque jusqu'à Jérusalem et de Jérusalem jusqu'au septième ciel, il est monté. C'est ce qu'on appelle Al-Mi'raj. Donc Al-Isra, c'est le voyage de Mecca jusqu'à Bayt al-Maqdis et le voyage de Bayt al-Maqdis jusqu'au dernier des cieux, ça c'est Al-Mi'raj. Al-Mi'raj, c'est l'ascension. D'accord. Et puis, il est redescendu à Bayt al-Maqdis, puis il est retourné à Mecca en une nuit. Et lorsqu'il s'est levé le matin, il est parti annoncer ça aux gens et dire ça aux gens. Et il y a eu à cause de ça une grande fitna, une grande épreuve. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont dit « Ah !» Surtout les mouchrikoun, ils étaient contents d'entendre cette histoire parce qu'ils ont dit ah, maintenant on a une occasion, on a un argument pour prouver que le messager d'Allah c'est un menteur. Il invente des histoires, il dit qu'il a voyagé jusqu'à Jérusalem dans une seule nuit alors que nous on prend des semaines pour faire cette distance à dos de chameaux, c'est très très long. Donc ils ont dit, lui, là, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas vrai, ça se peut pas. Et ça a eu un impact ou un effet sur les gens qui avaient une foi faible. Ça les a affectés dans leur foi. Parce que les mouchrikoun ont essayé de leur mettre des doutes à cause de ça. Le message du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis Abu Bakr, radiyallahu anhu, c'est pour ça qu'on l'a appelé As-Siddiq. Le véridique, c'est parce que tout ce qu'il entendait du messager d'Allah, il y croyait. Alors ils sont venus le voir à ce moment-là. Et lui, il ne savait même pas, il n'avait même pas encore entendu l'histoire de l'Isra et le Mi'raj. Donc ils sont venus le voir, ils ont dit, est-ce que tu sais qu'est-ce que ton compagnon a dit? Hein? Alors lui il a dit, non je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Alors ils ont dit, il prétend qu'il est parti de la Mecque jusqu'à Beit al-Maqdis et qu'il est monté de là-bas jusqu'aux cieux et qu'il est revenu dans une seule nuit. Alors qu'est-ce que Abu Bakr a répondu? Il a dit, si c'est lui qui a vraiment dit ça, alors je le crois. Sallallahu alayhi wa sallam. Parce que il dit, comment je ne le croirais pas? Parce que je le crois déjà dans ce qui est plus grand que ça. Hein? Je le crois dans la transmission du message divin qui vient du ciel. Donc si j'ai cru que Allah lui envoie la révélation du ciel, comment je ne vais pas croire qu'il peut voyager et faire ce voyage nocturne dans une seule nuit? Ça c'est rien. Alors, ça c'est pour montrer à quel point la foi de Abu Bakr était grande et comment il était d'une foi inébranlable. Et c'est pour cette raison-là qu'on l'a appelé justement As-Siddiq. As-Siddiq, celui qui a la foi, qui est véridique dans sa foi, qui n'est pas ébranlé par quoi que ce soit. Et donc, ils lui ont demandé, c'est-à-dire, ils ont demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les mushrikoun, ils ont demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de leur décrire comment est la mosquée de Jérusalem, Beit al-Maqdis. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis à décrire Beit al-Maqdis. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a placé devant les yeux Beit al-Maqdis comme s'il la regardait, c'est-à-dire, comme s'il la regardait, il la voyait alors qu'il était à Mecca. Hein? Et il la décrivait telle qu'il la voyait, que Allah lui montrait. Et à ce moment-là, ils étaient bouche bée, ils ne savaient plus quoi dire. Parce qu'ils ont vu que c'était exactement la description réelle de Beit al-Maqdis. Également, parmi les miracles du messager, sallallahu alayhi wa sallam, il dit... Le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit « Wa ikhbaruhu bima kana wa ma yakun ». Donc ça aussi, ça fait partie des nombreux miracles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les informations qu'il a données de ce qu'il y avait dans le passé et des choses qui vont se produire dans l'avenir et qui se sont réalisées. Hein? Donc ça, c'est des exemples, des preuves. Et c'est des miracles du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a beaucoup des exemples comme ça. Cheikh Al-Fawzan, il explique ce point-là. Il dit, « Min mu'jizatihi sallallahu alayhi wa sallam, ikhbaruhu bima yatla'ahu allahu alayhi min al-ghuyub al-madiyati wal-mustaqbala. Yukhbiru an al-ghuyub allati atla'ahu allahu alayha. Allahu huwa alladhi ya'lamu al-ghayb. Walakin... يطلع أنبياءه على شيء من الغيب ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فالله يطلع الأنبياء على شيء من الغيب ليخبر الناس أو ليخبر به الناس لأجل إقامة الحجة عليهم وهذا من المعجزات لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أخبر صلى الله عليه وسلم عن الأمم الماضية وأخبر عن المستقبل وكان خبره عن المستقبل وعن الماضي يأتي كما أخبر صلى الله عليه وسلم حتى أنه لما انشق القمر وكذبه أهل مكة جاء المسافرون من البراري وأخبروا أن القمر انشق في تلك الليلة. Donc le cheikh il explique que parmi les miracles du messager sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait connaître certains éléments de l'invisible parmi les choses cachées du passé et du futur. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala lui fait connaître certaines choses qui ont rapport avec le ghaib. Et Allah azza wa jal, c'est lui seul qui connaît le ghaib. C'est lui seul qui connaît l'invisible du passé, de l'avenir et de toutes choses. Mais il peut permettre à certains de ses messagers d'avoir des connaissances de certains éléments, hein, de certains éléments qui ont rapport avec le rêve. Et la preuve de ça, bon, il y a plusieurs versets qui le mentionnent, mais il y a des versets dans Surat al-Jin. Ben, il y a les versets dans Surat al-Baqarah et des versets dans Surat al-Jin. Le verset dans Surat al-Baqarah que le Cheikh a mentionné, c'est dans Ayat al-Kursi, le verset 255, hein, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ » C'est-à-dire ils ne peuvent envelopper ou cerner quoi que ce soit de sa science, excepté ce qu'il veut. Et il dit dans le verset 26 et 27 dans Surat al-Jin, il dit ce qui signifie, c'est lui, Allah, qui connaît le ghaib. Il ne le dévoile, hein, il ne le dévoile à personne. Il ne dévoile sa connaissance du ghaib à personne, sauf à celui qu'il a agréé comme messager. Donc, il va faire connaître à certains de ses messagers certains éléments du ghaib, pas tout le ghaib, mais certaines choses qui ont rapport avec le ghaib, hein, pour qu'il informe les gens et pour établir la preuve contre eux. Et donc ça fait partie des miracles. Et pourquoi? Parce que personne ne connaît le rêve excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a donc donné des informations à propos des nations passées. Il nous a donné aussi des informations par rapport à l'avenir. Et il nous a informé des choses du passé et de l'avenir. Et les choses qu'il nous a données comme informations se sont produites telles que il l'avait annoncé. Même que lorsque la lune s'est fendue, hein, et que les gens de Mecca ont démenti ce miracle-là, des voyageurs qui venaient de l'extérieur sont rentrés à Mecca et ont mentionné que eux-mêmes ont vu eux aussi la lune fendue, hein, cette nuit-là. Donc ça, c'est un exemple qui montre que ça fait partie des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Etyanihi bil kitab il aziz. Et vous avez parmi les gens de bid'ah, des gens qui refusent de croire en les miracles d'Allah. Hein? Les miracles que Allah a fait ou a permis de faire aux messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme les Mu'tazila, par exemple. Les Mu'tazila, ils ne croient pas aux miracles. Hein? Ils ne croient pas aux miracles. Et ils nient ça. Et vous avez aujourd'hui des gens comme ça, des rationalistes, hein, des matérialistes qui sont les descendants ou les poussins des Mu'tazila à notre époque. Et puis, qui eux aussi traitent de mensonges les miracles du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut être averti de ça. Et je me rappelle toujours de, même parmi les koufars, les juifs et les chrétiens, il y en a beaucoup aussi qui ne croient pas aux miracles qui ont été faits à l'époque des prophètes précédents et qui essaient d'expliquer tout, soi-disant, par la science. D'accord? Donc, je me rappelle, il y avait un de mes profs d'enseignement religieux en secondaire 1, quand j'étais en secondaire 1. Je pense que c'était M. Bergeron, si je ne me trompe pas, c'était ça son nom de famille. En tout cas, subhanallah, il nous disait que on pouvait comprendre les miracles des prophètes, soi-disant, par des preuves scientifiques, par des choses scientifiques. Et il mentionnait comme exemple que la mer morte, parce que dans le Nouveau Testament, il est mentionné que Jésus aurait marché sur l'eau. D'accord? Donc, il expliquait ça en disant, oui, mais la mer morte, elle est tellement salée que tout flotte dessus. Hein? Donc, c'est très facile si il est descendu, il est marché sur l'eau parce que la densité de l'eau est tellement grande que à cause du sel, que ça permet de marcher dessus. Donc, vous voyez, comme tout ce qui est miraculeux ou tout ce qui est hors de surnaturel, eux, ils vont essayer de trouver une explication scientifique pour l'expliquer. Ce qui fait qu'en réalité, ça amène à quoi? Ça amène à ne pas croire en les miracles, en réalité. C'est ça que ça veut dire. Ils ne croient pas en miracles. L'autre exemple que ce prof avait mentionné, l'exemple de Moussa alayhi salam lorsqu'il a fendu la mer Rouge et qu'il a fait traverser les fils d'Israël pour aller vers la terre promise, soi-disant. Donc, à ce moment-là, hein, quand je dis soi-disant, c'est-à-dire, c'est la terre promise que Allah avait promis à Bani Israël s'ils étaient obéissants et pieux. Toutefois, Moussa alayhi salam, il a frappé la mer de son bâton et la mer s'est fendue en deux. Ou bien la mer s'est fendue et les fils d'Israël ont traversé. Et l'eau faisait comme des murailles de chaque côté d'eux et ils traversaient donc la mer sans se mouiller les pieds. Sauf qu'une fois qu'ils ont traversé et qu'ils sont arrivés à la terre promise et que Moussa alayhi salam leur a ordonné de rentrer, tel que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait dit, eh bien ils ont dit non, on ne rentre pas. Nous, on a peur de ces gens-là. Toi, vas-y avec ton Dieu. Nous, on reste ici. Hein? Toi, vas-y. Idhab anta wa rabbuka. Vas-y, toi et ton Seigneur. Nous, on reste ici. Allez vous battre tous les deux. Nous, on reste ici. C'est comme ça qu'ils ont parlé à Moussa, alayhi salam. Quand ils disent, vas-y, toi et ton Seigneur, comme si en voulant dire, nous, on n'a rien à voir avec ça. Hein? Comme si ce n'était pas leur seigneur à eux aussi. Donc tout ça, c'est pour montrer leur arrogance et leur ingratitude. Et le professeur, lui, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça? Il a dit, oh, ça, ce n'était pas un miracle en réalité, parce qu'on peut expliquer scientifiquement qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau à cet endroit-là. Donc quand ils ont traversé, eh bien, ils ont traversé, puis l'eau n'était pas tellement profonde, alors ils ne se sont pas noyés. Et quelqu'un a répondu à cet argument-là, ce n'était pas à ce moment-là, mais plus tard j'ai entendu cette explication, cette réponse. Quelqu'un a dit, alors dans ce cas-là, comment l'armée de Pharaon, eux, quand ils sont traversés, se sont noyés dans cette eau si elle n'était pas profonde, hein? Donc, c'est pour dire, Yanni, comment ces gens-là, ils essaient de trouver des arguments pour essayer de renier les miracles que Allah a mentionnés, hein, alors que, Yanni, ils ramènent des explications, tu vois très bien que ces explications ne font aucun sens. Même la mer morte aujourd'hui, même si elle a du sel, là, on ne peut pas marcher dessus, cette eau-là. Yanni, c'est pas assez dense au point que tu peux marcher dessus. Donc, tout ça, c'est des exemples pour expliquer. Bon, pour revenir au miracle du messager, sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh, il a mentionné « wa ityanihi bil kitab al-aziz », c'est-à-dire le miracle, parmi les plus grands miracles, et même le plus grand miracle que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, a reçu, c'est le Coran. C'est le plus grand miracle de tous les miracles, parce que c'est un miracle qui est permanent et qui reste avec nous. Tout le monde peut le lire. Hein? Et le cheikh, il explique, cheikh Al-Fawzan, il dit « أعظم المعجزات هذا القرآن الذي أتى به وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم وجاء بهذا القرآن الذي أعجز الجن والإنس قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا هذه الآية نزلت في مكة قبل الهجرة تحداهم وهو في مكة أن يأتون بمثله يعني لا حاضر ولا مستقبلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي الآية ولن هذه للمستقبل إلى أن تقوم الساعة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فحداهم الله فتحداهم الله أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا تحداهم أن يأتوا بعشر سور فعجزوا تحداهم أن يأتوا بسورة فعجزوا عجزوا أن يأتوا بمثل قل هو الله أحد إذا جاء نصر الله والفتح، عجزوا أن يأتوا بمثله بمثل والعصر إن الإنسان لفي خسر، عجزوا أن يأتوا بمثله فهذا أعظم البراهين، وهذا هو المعجزة الباقية. القرآن هو المعجزة الباقية المستمرة إلى أن تقوم الساعة، فهذا هو أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique, il dit, parmi les plus grands miracles, il y a ce Coran qu'il a ramené, que Allah lui a révélé. Alors que lui, il ne peut ni lire ni écrire. Il est illettré. Et il a ramené ce livre, le Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala a défié les hommes et les djinns de produire quelque chose de semblable, s'ils étaient capables. Et yani, le défi tient toujours. Et ils n'ont jamais été capables de ramener quoi que ce soit de semblable à ce Coran. Et il a cité comme exemple le verset 88 dans Surat al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient ensemble pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne pourraient rien produire de semblable, même s'ils s'entraidaient les uns les autres pour le faire. Donc ce verset a été révélé à Mecca. Ce verset a été révélé à Mecca avant la Hijra. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a défiés alors qu'il était à Mecca. Et ils n'ont rien ramené de semblable. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais être capables. Ni à cette époque-là, ils n'étaient capables, et ni dans l'avenir. C'est-à-dire qu'ils ne seront jamais capables de ramener rien de semblable à ce Coran. Et il cite donc les versets 22 et 20 à 24 dans Surat al-Baqarah, ou 23 à 24, pardon, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et si vous avez un doute, et si vous êtes dans le doute à propos de ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, alors ramenez une sourate semblable à celui-ci et appelez vos témoins en dehors d'Allah si vous êtes véridique. Et si vous ne le faites pas, et vous ne le ferez pas, c'est-à-dire dans l'avenir, même dans l'avenir, parce que l'an en arabe, c'est pour la négation du futur. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, et vous ne serez pas capable de le faire, jusqu'au jour de la résurrection, alors préservez-vous du feu, dont le combustible sera les hommes et les pierres, qui a été préparé pour les mécréants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a défiés de ramener quelque chose de semblable à ce Coran. Ils ont été incapables de le faire. Il les a défiés de ramener 10 versets semblables ou 10 sourates semblables. Ils n'ont pas été capables. Il les a défiés de ramener une seule sourate semblable au Coran. Ils n'ont pas été capables. Ils n'ont pas été capables de ramener quelque chose comme « Qul huwallahu ahad ». Ils n'ont pas été capables de ramener quelque chose comme « Iza ja'a nasrullahi wal fath ». Ils n'ont pas été capables de ramener quelque chose comme « Wal asr inna l'insana la fi khusr ». Ils ont été incapables de ramener quoi que ce soit de semblable à cela. Et ça, c'est la plus grande preuve de ce miracle, qui est un miracle permanent et qui continue, qui reste jusqu'à la fin des temps. Et qui continue jusqu'à l'heure du jugement. Et c'est le plus grand des miracles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et on va continuer demain. On va expliquer encore d'autres miracles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec les détails. Et puis, on va élaborer sur ce sujet encore plus, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.